Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 120! Brian Edward puis Slavkovski. Difficile à dire, mais on a hâte de le revoir, ce grand jeune. On a signé Caulfield hier, d'ailleurs, là, un très bon contrat, je pense. Là, on a Suzuki de l'Hockey Inn. Suzuki a d'ailleurs annoncé qu'il passait son été à Montréal. Et puis, ça, c'est drôle parce que il vient de où, lui? Genre Kingston, là, une ville plate, là, tu sais. Fait que là, c'est, il annonçait ça à RDS, là, whatever. Ou est-ce que Suzuki était cool parce qu'il veut profiter de la... Il va être à Montréal pour bien comprendre la ville, puis tu sais, mettre ses racines, puis tout. C'est comme, voyons, il veut pas se faire chier à Kingston toute l'été, c'est même plus le fun à Montréal. Mais c'est bien, quel âge qu'il a cet enfant-là, de toute façon, là, tu sais, à cet âge-là, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Clairement, là, que t'es le capitaine d'une équipe de hockey, là, tu sais, comme tu vas vers tes affaires, là. C'est pas comme s'il fallait qu'il retourne en Russie checker sa famille. Fait que voilà, donc c'est comme on est en business avec Suzuki puis Caulfield, c'est bien excitant tout ça. Ah, cette bonne caféine. Oui, parce que là c'est de la vraie caféine parce que j'enregistre le matin dans mon bureau parce que je n'ai pas eu le temps le soir cette semaine. Et puis, ça me permet un petit peu plus de flexibilité, là. Fait qu'avant que la journée commence, c'est tranquille aujourd'hui. Alors, je bois de l'excellent café, caféiné de Level Up, mesdames et messieurs. Et puis, j'ai un code promo pour vous ce matin. Donc, si vous voulez vous procurer les excellents cafés Level Up, vous allez sur leur site web, levelup.coffee. Et puis, moi ici, je suis dans la section des produits. Il y a 3 produits disponibles pour vous. AFK, donc t'aurais velouté, torréfaction moyenne, le BR corsé, le Battle Royale, corsé, torréfaction noire, et Respawn, l'équilibré, torréfaction mi-noire. 3 excellents produits que je teste et que je bois avec plaisir. Donc, si vous voulez avoir 10%, rentrez le code PAPA10, donc à la fin dans votre panier. Et puis c'est ça, ces cafés-là, vous les commandez en ligne, c'est pas cher, hein? Avec le rabais puis tout, ça revient genre à, je sais pas moi, avec les taxes, le shipping, 15$, quelque chose de même. Faites des économies sur les frais de livraison en regroupant vos achats. Faites la livraison, vous coûtera le même prix jusqu'à 8 sacs. Alors tu vois, commandez-en en plus, ça te coûtera pas plus cher de shipping, c'est pas beau ça? Fait que tu commandes ça, level up. .coffee sur leur site web, rentre le code PAPA10 pour avoir 10% de rabais ou tu peux aller sur place au Arkham Café à Québec, à la brasserie Malco à Québec et puis à Drummondville au Nakamate et puis à la Sauvegarde. Alors voilà, merci beaucoup à Level Up Café pour le kick pour me réveiller. Ah, ça fait du bien pour vrai. Je suis un peu fatigué ces temps-ci. Je suis. Ben, on l'a annoncé, puis je pense que le show d'aujourd'hui va parler pas mal de ça. À moins que je vous parle de l'émission Si on s'aimait pendant 2h30. Parce que moi, j'écoute ça avec mon épouse, n'est-ce pas? C'est pas mon épouse en passant, on n'est pas mariés. On est à côté. On partage les frais. Mais ouais, on aime bien ça, cette émission-là. J'aime ça, moi, les gens. T'sais, ça m'intéresse, moi, le comportement humain. Pas le. Je veux dire, je vais pas faire l'étude là de pourquoi les Romains, tu sais, puis les gens de Athènes et les grands mouvements révolutionnaires. Ce qui m'intéresse moi, c'est pourquoi les gens agissent comme ça, tu sais, pourquoi les camionneurs sont fâchés, pourquoi cette personne-là dit ça, pourquoi est-ce que j'ai un employé de même, tu sais, c'est quoi leur background, pourquoi il y a des gens heureux, pourquoi il y a des gens fâchés, tu sais, puis tout ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et puis cette émission-là, je suis en train d'en parler. Je vais en parler 2 minutes. Puis, bref, c'est une émission ça, qui essayait de matcher des gens qui, a priori, n'auraient pas été matchables avec une psychologue qui rencontre, puis tout ça. OK, toi, t'es faite de même, toi, t'es faite de même. Essayez ça, tu sais. Puis là, c'était intéressant. Puis là, cette année, c'était un spécial. Le couple Donc, ils reçoivent des coupes en difficulté. Donc, des coupes qui pour qui ça va mal, de certains beaucoup plus que d'autres. Et puis, c'est absolument fascinant. Et puis, moi, ça va faire bientôt 20 ans que je suis avec ma blonde. Ça va très bien. On est très heureux. Mais tu sais, c'est tout le temps. T'sais, tout le monde a leurs défis. Là, t'sais. On n'a pas des grands défis puis tout ça. Mais tu sais, bien sûr, là, des fois, on s'obstine ou on fait qu'on parle. Mais on parle. Là, on est bon. On est capable de bien communiquer. Ça nous a toujours aidé. Mais il y a toutes sortes d'affaires intéressantes à voir aussi. La sexualité est souvent un grand problème au sein des couples. Comment est-ce que le monde se parle? Il y a un couple gay avec des enfants. Il y a un autre couple, tu sais, d'une famille reconstituée qui sont rendus à 5-6 enfants. Il y en a des plus vieux, pas d'enfants. Il y en a des plus jeunes, tu sais. C'est tous des modèles différents. Fait que c'est intéressant à voir aller, puis de tirer des petites leçons de ça, voir comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on réagit, puis qui nous sommes. Faudrait que je retourne consulter, là. Pas parce que j'ai des problèmes, juste pour me faire du bien, là, tu sais, ça fait du bien, ça. Ah, si j'avais des assurances. J'en ai des assurances, en plus. Les assurances de ma blonde qui travaille au gouvernement, mais ouais, j'utilise jamais ça. De toute façon, je pense que j'ai même pas accès à ça. Mais consulter, hein, ça fait du bien. Ben, moi, j'ai consulté, genre, 3 fois dans ma vie, des bonnes, pendant une couple de mois, pour pour l'anxiété. Et puis, ça m'a tout le temps remis sa traque. Et puis, présentement, ça va. Je sais que je suis anxieux encore. Il y a des affaires qui me font peur, tu sais, ou que je fonce moins, tu sais. Moi, je suis comme un bâtisseur. J'aime ça, tu sais, travailler sur mes affaires, que mes affaires soient belles, faire grossir mes business, que ma maison soit propre, dada, mais je voyage peu, tu sais. Surtout parce que ça me crée de l'anxiété. Mais ça coûte cher aussi, tu sais, avec les enfants, bon. On peut toujours s'endetter puis voyager. Puis d'ailleurs, je compte le faire, mais je veux travailler là-dessus personnellement. Là, je vieillis. J'ai 43 ans maintenant et puis je veux découvrir le monde un petit peu. Parce que mon objectif, c'est que sur mon lit de mort, je veux avoir aucun regret, tu sais. Fait que professionnellement, je suis très heureux puis on essaie des choses. Amoureusement, ça va très bien. La famille, tu sais, mes enfants, tout ça est merveilleux. Mais je trouve que j'ai pas vu le monde assez, je voyage pas, pratiquement pas. J'ai pris l'avion une fois, genre pour aller au Mexique, dans un tout inclus, quand mon premier avait 2 ans, puis mon deuxième était pas né, bien sûr. Fait que c'est la seule fois, c'est plus loin que je suis allé. J'suis allé en char à bien des places, mais that's it. Fait que je vais aller en Europe, je veux voir le monde. Puis fuck off, un moment donné, je vais dépenser tout mon argent là-dedans, puis ça sera ça. Parce que je veux pas mourir plein d'argent, et n'ayant pas vu le monde, puis me dire j'aurais donc dû. Fait que c'est ça. Bref, c'est deep à matin. C'est deep, mes affaires. D'après moi, il y a quelque chose dans le café Level Up qui rend le monde sage. Mais ouais, ben je vais remédier à ça. Ça, c'est ma vie. Présentement, je suis un peu stressé aussi. Vous savez, l'arcade, bon, ça fait 2 épisodes, j'en parle. C'est correct, ça roule, ça va bien. Puis, mais aujourd'hui, je vais parler de Retro Montréal. Parce que ça me cause pas de l'anxiété, mais c'est du bourdonnement mental, tu sais, c'est dans la tête et puis c'est beaucoup de travail. Et puis voilà, donc j'ai fait l'annonce sur la page sur Facebook de Retro Montréal qu'on déménageait. Donc c'était ça, bien, vous l'avez tous deviné, là, anyway, là, mais bon, je voulais l'annoncer officiellement, là. Fait que oui, on va déménager à l'automne de 2023, donc l'automne qui arrive. Là. On vise la mi-juin environ, le back to school, puis on travaille là-dessus depuis vraiment un bout de temps. Là, t'sais. Fait que là, dans le fond, ça me tente de parler de ça, puis ça fait là, t'sais, je pouvais pas vous parler de ça vraiment parce qu'on voulait garder les affaires mortes en attendant que tout soit comme officialisé un peu. Fait que là, je vais pouvoir en parler un peu, puis tu sais, ça fait beaucoup partie de mon quotidien, donc j'espère que j'en parle pas mal au cours des prochains épisodes aussi. Fait que c'est ça. Donc, au tout départ, nous avons un bail qui se termine. Notre magasin, le bail se termine au printemps prochain, au printemps 2024. Fait que ça va faire 5 ans déjà qu'on a ouvert ce petit magasin qui, à l'époque, nous semblait tellement grand, tu sais. Quand on a ouvert ça, on magasinait, tu sais, les locaux. Ben, Retro Montréal, vous savez, c'est moi, Fred Gémus, puis Jonathan Millette. C'est Fred et Joe au départ. Pour Retro Love, je me suis joint à eux éventuellement. On a changé le nom du projet pour Retro MTL en prenant un peu le même B que Arcade MTL parce que l'arcade ça allait bien, on voulait faire. Même si les deux entreprises n'ont rien à voir, tu sais, à part moi qui est co-actionnaire des deux. Mais sinon, c'est deux gangs différentes. Il n'y a pas d'autres personnes que moi qui est actionnaire aux deux places. Mais ils n'ont pas le lien, tu sais. Mais bon, on trouvait que l'arcade, ça roulait, puis c'était populaire, puis tout. Fait qu'on voulait un certain point de rapproche. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là, simplement. Puis ça couvrait large aussi, tu sais. On avait bien d'autres idées et tout. Puis finalement, on a statué pour ça. Puis on est parti de ça. Fait que on a commencé en bas, là, comme tout le monde. Là. Les gars, ça faisait déjà une couple d'années. Ils faisaient les ventes de garage, les friperies, ils font encore. Fred, surtout, c'est un grand chasseur. Il est excellent. Il trouve bien des affaires. Fait que les gars, ils aimaient ça. Joe, il a moins le temps. Là. Il est occupé avec ses trois jeunes enfants. Il est pas mal busy. Pas mal busy, là, Joe. Mais quand même, fait que ils ont parti ça de passion comme ça, puis à force de le faire, ben tu bâtis un inventaire, tu rachètes du stock que tu trouves, tu revends les meilleures pièces. Ils le faisaient pour leur collection, mais ça finit que t'as de l'over puis de l'over. Tu vois un bon deal, t'achètes le bon deal, tu sais, pour leur vendre, pour payer ta collection. C'est un peu ce que je faisais moi aussi de mon bord, de mon côté avant, en 2011, tu sais, quand j'ai commencé ça là. Je faisais ça chez nous. Il y a des auditeurs maintenant qui m'écoutent qui sont sûrement déjà venus dans ma maison, mon ancienne maison, et qui sont venus sur Moreau et qui sont venus sur Frontenac et puis qui m'ont acheté des jeux à bien des places jusque chez Retro Montréal. Même chose pour les gars. Fait que c'est ça. Fait que moi, Fred et Joe, moi je me suis joint à eux. Leur inventaire avait une valeur X. J'ai mis de l'argent jusqu'à une valeur X pour avoir un pourcentage X d'actions à cette époque-là. Et puis voilà, c'était notre entreprise à trois, tu sais. Puis là, ça grossissait. Les gars travaillaient sur le site web. Ben, Fred travaillait sur le site web. C'était la base, ça. Moi, c'est pour ça que je suis allé avec eux. Parce que Fred avait déjà... il roulait eBay, puis il travaillait sur un site web en même temps. Shopify, fait que pour moi ça, il n'y avait pas d'avenir s'il n'y avait pas de vente en ligne. T'sais. Je voulais pas faire ça là, chez nous, whatever, pour toujours. Il faut faire de la vente en ligne, là, c'est le futur. Fait que fallait que ça commence avec ça. Puis les gars, ils étaient déjà enclins à ça. Puis c'était mes amis, là, bien sûr. Fait que on fait ça, les gars. Fait qu'on a fait ça. Et puis ça grossit. Puis là, on était rendu avec une dynamique. Les trois, on habitait. Moi j'habitais là, j'habite encore dans Rosemont. J'étais à Rosemont à ce temps-là, je suis encore aujourd'hui. Fred est dans Hochelaga, Joe est déménagé, ça arrive nord, mais il était dans Hochelaga aussi dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est choisi un local dans Hochelaga pour ouvrir Retro Montréal, tu sais, parce qu'on était les trois proches. Là, moi, c'est pas long de descendre Rosemont jusqu'à Hochelaga, là, c'est rien. Je viens en vélo à tous les jours. Fait que puis le boss, fait que c'est vraiment pas long. Puis les gars, c'est vraiment pas loin non plus. Fait que c'est ça. Mais là, on avait la dynamique. Fred, il pogne. Fred avait les jeux chez eux. Joe avait les consoles et les affaires à arranger. Fait que Fred, il nettoie les jeux, il les process, il les mettait en ligne. Après ça, Joe, lui, il faisait les consoles, il essayait de les réparer, tout ça, il faisait des kits de consoles. Après ça, moi, je pognais mon char, j'allais chez Fred chercher les jeux, j'allais chez Joe chercher les consoles, je revenais chez nous, je mettais ça dans mon sous-sol, et puis moi, je m'occupais du shipping, donc quand puis la vente. Fait que quand les jeux ils se faisaient vendre en ligne, je descendais dans mon sous-sol. J'emballais ça. Là, mon sol n'était pas fini dans ce temps-là. Là. Il était pas fait. Là. C'était des sections de terre battue avec une carpette, puis un plafond de 6 pieds. Puis, tu sais, c'était glauque, glauque, glauque. Là. C'était spécial. Avec mes bibliothèques Billy, ma petite balance pour le shipping, puis tout. Puis après ça, je pognais mes paquets. J'allais pitcher ça dans la boîte aux lettres ou bien au bureau de poste. Puis ça roulait de même. De temps en temps, Fred, un moment donné, viens, on refait l'inventaire. OK, tout est beau. On achète un lot, tu sais, comme. Fait qu'on a grindé ça de même pendant un bon bout de temps. Puis ça a été vraiment le fondement économique de l'entreprise, tu sais. Un coup que ce roulement-là, puis là, notre routine était établie, ça allait pas pouvoir être de même pour toujours, là, tu sais. Mais on était legit, là, quand, d'ailleurs, en passant, là, tu sais, rapport d'impôt, tout le kit. On n'avait pas encore de revenus assez grands pour charger les taxes, parce qu'on charge les taxes à partir d'un revenu de 35 000. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si ça a changé depuis. Là. Fait que si tu te pars une business de crème glacée, ben à partir de 35 000 de ventes annuelles, ben là, faut que tu charges des taxes pour tes cornets. Fait que c'est ça. Mais on faisait un rapport d'impôt, puis tout. Là, c'était la vraie affaire. Tu sais, je pense que la business, là, présentement, le local aura 5 ans. Mais on aura 7 rapports d'impôt, là. Fait que, bref, on faisait les affaires drette depuis ce temps-là. Fait que quand on ouvrait le magasin, c'était allé drette, tu sais. Fait que, on avait... Oups. Excusez, je vais juste fermer ça pour pas qu'il y ait du bruit. Fait que c'est ça. Puis, à un moment donné, ben moi, j'allais faire excaver mon sous-sol et puis ça pouvait plus là, vivre de même dans mon sous-sol. Fait que c'était un peu le point tournant qui a fait que là, il faut se trouver un local, guys. Fait qu'on a magasiné les locaux, puis on a trouvé le local dans lequel on est présentement. Excusez, ce café... le café me fouette! Et puis, c'est ça, ce local-là, pour nous, tu sais, on avait un autre qui, presque, il était bien plus petit, tu sais, puis on n'était pas trop sûr, puis ce local-là, pour nous, il était très grand, tu sais, on a vraiment pris le plus grand de ceux qu'on avait dans nos choix, tu sais, puis on a dit, fuck off, on verra bien. Puis le loyer, c'était quand même beaucoup, là, pour nous, à cette époque-là, tu sais, vraiment, fait que c'était un saut dans le vide, on n'avait aucune idée, tu sais, c'était juste un projet de passion, on s'est dit, ah! Moi, j'étais supposé travailler là, travailler à la pige de design graphique. Il y a un client qui rentre, « Hey, salut, tu sais, je le sers, je retourne faire mon projet, puis on va voir. » Puis, hey, ça a pas, ça s'est pas passé de même pantoute, là. Après une semaine et demie, comme j'étais, je pouvais pas, là, tu sais, il y avait des clients tout le temps, du rachat, des affaires, c'était horrible. On a eu deux clientes qui sont passées ensemble, puis l'une m'a dit « Cherchez-vous du monde? » Oui, je t'engage. C'est Maud, notre premier employé qui est rentré avec nous. Moi, j'ai lâché ma job, Joe a lâché sa job, et puis Maud était là, puis on a commencé à rouler ça parce que c'est ça que ça prenait. Fait que voilà. Fait que moi et Joe, on a roulé ça ensemble avec l'aide d'employés qu'on a eu à partir de ce moment-là, depuis le début, là. Fait que ça a bien changé en 5 ans parce que maintenant on est rendu une quinzaine. Nous, on fait plus ça maintenant. Tu sais, à l'époque, moi je faisais du plancher un peu. Joe, il rentrait le stock sur le site web, prenait les photos, on nettoyait. On faisait tout nous-mêmes, tu sais, à chaque jour. Puis on s'organisait avec ça. Puis à cette heure, on a une équipe de 4 qui rentre le stock sur le site web. On a une personne dédiée à 100% au nettoyage, testing et tout. L'équipe magasin, c'est tout le temps 2 sur le plancher la semaine, 3 la fin de semaine. Fait que nous, on fait plus rien de tout ça, tu sais. Mais il faut orchestrer tout ça pareil. Checker avec eux autres que les choses se fassent bien. Fait que ça... Puis j'arrive même pas dans ma tête à voir la coupure, tu sais. C'est comme voir tes enfants grandir, tu sais. Ou te voir vieillir. Tu vois pas ça, tu sais. Faudrait que tu le vois pas pendant des années. Puis là, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que je trouve qu'on a de la misère à... Moi, j'ai de la misère à... J'ai de la misère à apprécier mes projets au sens que je suis dedans, tu sais, tout le temps. Fait que je vois pas l'évolution, je vois pas... J'ai pas tant de recul. Fait que j'ai de la misère à me reculer puis à me dire « Tabarnak, c'est incroyable tout ça, tu sais. J'aimerais ça faire ça, mais je suis trop dedans, tu sais. » Fait que j'imagine que c'est quand je vais être complètement détaché, je vais peut-être plus voir ça. Je sais pas. Mais c'est le même l'humain. Donc, c'est là qu'on était rendu. Et puis là, bien sûr, les choses étant ce qu'elles sont, on n'a plus de place dans le magasin du tout. Hein. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus de place. Au retour de la COVID, fallait trouver quelque chose, fallait faire de quoi. Puis moi, regarder les locaux commerciaux à louer, c'est une de mes passions. À Montréal, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est de même que j'ai trouvé mon local sur Frontenac, puis sur Moreau. Et puis avant toute ma vie de jeux vidéo, quand je voulais avoir une agence de graphiste, de design graphique, j'ai trouvé des locaux sur Partenay. J'en ai visité plein encore. Si vous savez le nombre de locaux commerciaux que j'ai visité à Montréal, j'en ai visité en Estie. Partout. Fait que, ouais. Donc, bref, je marchais sur la rue, ici. Puis, sur Hochelaga, je m'en allais vers Pinneuf. Là, je vois une belle pancarte allouée sur un gros immeuble. Le gros immeuble qui était connu auparavant comme... Auparavant, c'était une caisse populaire. Et puis, après ça, c'est devenu un magasin de sport, d'articles usagés. J'ai oublié le nom, mais c'est ça, des articles usagés de sport. Ça a duré vraiment longtemps. Et puis, ensuite, ça a été racheté. Là, j'oublie tout le temps le nom. C'est un peu... Parce que c'est un nom compliqué. Fait qu'il y a eu le magasin de sport. Et puis après ça, ça a été racheté par l'entreprise Bertrand Fouché-Bélanger Incorporé. Je vais faire un peu l'historique de cet immeuble-là. Là, d'ailleurs, je suis en train de parler de l'immeuble dans lequel on va déménager. Hein, parce que là, allez sur la page Facebook de Retro MTL, allez écouter le live que j'ai fait la semaine passée. Et puis, vous allez voir tout ça. Là, c'est lequel building? C'est le 4023 Schlaga. Donc, c'est ce building-là dans lequel on est. Et puis, juste pour faire un historique, comme je disais, en revenant de la COVID, on n'a plus de place dans le magasin, on est trop d'employés, trop de monde, il y a trop de stock. Chris, ça nous prend plus d'espace, mais on est juste à la moitié de notre bail, tu sais. On peut pas comme calisser notre camp. Fait qu'il faut trouver une solution. Fait que je marche sur Hochelaga, puis je vois cet immeuble-là. Puis le deuxième étage était à louer. Fait que il y a une pancarte avec un courtier et tout. Et puis je communique avec le courtier. Ça n'a pas été long, on rentre là-dedans, les propriétaires, eux autres, ils opèrent, le propriétaire de l'immeuble, c'est eux qui opèrent le commerce au rez-de-chaussée, Bertrand Fouché-Bélanger. Fait qu'on visite tout ça, puis on s'entend, puis badang, on loue le deuxième, et c'est chose faite, fait que ça n'a vraiment pas été long. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'entreprise coupée en deux. Il y a le magasin qui sert de magasin, puis il y a ici où est-ce qu'on a les bureaux de tout le monde, et puis la gestion de cette web. Fait que, quand les gens ils vont en magasin, tu sais, puis ils s'en rendent peut-être pas compte, mais l'entreprise est vraiment plus grosse qu'elle n'y paraît, tu sais. Il y a toute une équipe qui fourmille là, ici. Moi, ici, c'est là que je suis là, présentement en passant, si vous n'aviez pas réalisé. Je suis dans mon bureau au 4025 à Hochelaga, fait au deuxième étage d'immeuble. Fait que toute la gestion est là. Et puis, on est là depuis le retour de la COVID, et puis ça. On n'a pas le choix, Fait que comme je disais dans mon live d'ailleurs, notre routine de tous les jours, c'est tout le rachat se fait dans le magasin. Fait qu'à tout le matin, on a un diable là-bas, tu sais, comme un roulé du stock. À tous les matins, on prend le stock racheté en magasin, on le roule jusqu'ici, donc deux coins de rue plus loin. On le monte en haut, on le teste, on le nettoie, on le met propre, on le met en ligne, on le prend en photo. Et puis le soir, ben, les employés, ils reprennent le diable puis ils ramènent le stock étiqueté propre pour mettre sur les tablettes dans le magasin. Fait que c'est une roue comme ça qu'on fait à tous les jours. Puis quand on revient le lundi, il y a eu des tonnes de rachats la fin de semaine, de plusieurs voyages. On fait l'hiver, tu sais, avec le diable, nos tucs, les tempêtes de neige, la slush. On fait ça depuis des années, là. C'est fou, là. Fait que, ouais, c'était un défi, mais ça fonctionne malgré tout. Ça fonctionne quand même bien. C'est pas l'idéal, puis clairement qu'on n'allait pas vivre comme ça éternellement, mais c'est le mieux qu'on pouvait faire vu les circonstances. Puis parce que c'était un bon prix ici, quand même, qui nous faisait les proprios. Ils étaient bien contents de nous avoir. Je vais revenir sur les proprios, d'ailleurs. Ah, fait que c'est ça. L'entreprise ici, au rez-de-chaussée, c'est un commerce d'objets liturgiques. La liturgie, qui est un terme que j'ai appris dernièrement. Donc, ils vendent des affaires de Jésus, de religion chrétienne. Ça, c'est drôle parce que pendant la COVID, nous autres, on a comme crime, ça nous prend un plus grand local. On checkait sur Hochelaga, pas loin. Comment ça que c'est encore ouvert, cette affaire de Jésus-là? Qui c'est qui achète ça? Les églises ferment, il n'y a plus personne qui croit. Comment ça se fait que ça existe encore? Maudit si on pouvait prendre ce local-là. Mais en loin ici, au deuxième, on a appris à connaître les propriétaires, bien sûr, qui sont super sweet, vraiment gentils. Puis ça roule en maudit dans les affaires. Ils sont deux, c'est un couple, ils sont ensemble depuis tout le temps. Puis eux autres, ils troulent ça, les affaires de Jésus. Ce commerce-là, il était avant ça, il était sur le plateau. Puis avant ça, il était ailleurs. Fait que c'est comme une business un peu familiale du côté du proprio. Et puis, c'est ça. Fait que ça marche, là, il y a tout le temps. Et eux autres, ils font de l'import, export aussi, de fer. Un moment donné, en bas, il y avait des gros crates en bois, tu sais, comme bien plus haut que moi, là. Mesure 5 et 6 environ. Grosse affaire, tu sais, il y en avait quelques-unes, puis là, on se disait, on regardait en bas, mais c'est quoi ces affaires-là, tu sais? Je pense que c'était des anges, j'ai oublié le nom de l'ange, là. L'ange Saint-Pierre, l'ange quelqu'un, celui qui écrase avec son pied un serpent, là, quelque chose comme ça. Fait que c'était une grosse statue importée d'Italie qui allait se faire shipper ailleurs. Fait que c'était bien impressionnant. Fait qu'eux autres, ils roulent ça, parce qu'ils shippent, bien sûr, le commerce en ligne. Très important. Donc, partout, T'sais, ils sont tellement uniques dans leur domaine que c'est une référence. Puis il n'y a pas juste pour les églises et tout ça. Il y a aussi pour tout ce qui est plateau de tournage ou des perks ou n'importe quoi qui ont besoin pour les films et tout. Je veux dire, c'est les seuls qui existent. Ils font appel à eux autres. Fait qu'ils louent des affaires, vendent des affaires, des plateaux de tournage. C'est très intéressant. Fait qu'ils ont maintenu et agrandi cette business-là. Puis ça fait longtemps qu'ils sont ici. Puis avant même, il y avait toute une gang en bas et en haut ici, où est-ce qu'on est. Ils prenaient tous les meubles, eux autres, aussi. Puis il y était genre une vingtaine. Ils fabriquaient les soutanes de curé. Tu sais, il y avait de la couture sur place et puis ça roulait en fou. Et puis, bien, avec le temps, ces affaires-là se font faire ailleurs. Hein, mais notre belle main-d'œuvre québécoise, on envoie tout ça en Chine, malheureusement. Et puis, ben, c'est la vie, hein, sinon on n'aurait pas vendu. Fait que tout ça a baissé, mais ils ont maintenu ça, puis voilà. Et puis, là, ce qui se passait, c'est que ça faisait déjà une couple de... Au retour de la COVID, on était quoi? À notre troisième année de bail au magasin là-bas. Fait que moi, quand j'ai signé au QG ici, on appelle ça le QG, le quartier général, j'ai fait faire un bail pour que les deux se terminent en même temps. T'sais. Comme ça, quand on va vouloir partir, ben les deux vont se terminer. T'sais. Fait que là, le magasin, ça s'en venait. On était plus qu'à la moitié du bail de fait. Et puis, quand tu penses à déménager, faut que tu y penses d'avance. T'sais, parce que c'est gros, là. C'est pas juste... faut que tu déménages puis que tu agrandisses. Fait que ça va être c'est un très gros projet. C'est pas une affaire de rien. Fait qu'il faut le passer d'avance parce qu'il faut magasiner les locaux d'avance et puis il faut que tu prennes des ententes. Puis s'il y a des travaux à faire, il faut que tu prévoies des gens pour faire les travaux. Ce monde-là, tu peux pas juste les appeler puis ils viennent le lendemain. Là. Ils sont tout le temps bookés des mois d'avance. Là. Fait que il fallait commencer à regarder maintenant, tu sais. Fait que j'ai commencé ça. Encore, je me promène, je le spot, toutes les affaires, check les petites annonces. On a visité plusieurs. Je prends une autre gorgée. Puis un que je veux citer, c'est la Geekitude, qui est au coin. C'était où ça? T'as peu. Geekitude. Ça l'avait une autre adresse. Ah non, c'est ça. Coin Papineau. Coin Papineau. Sainte-Catherine. Il y avait un commerce là, qui s'appelait la Geekitude. Et puis là-dedans, il y avait tu pouvais aller jouer aux cartes, là, Magic, Pokémon, nana. Il y avait un petit peu de jeux vidéo. Très peu. Moi, j'ai connu ça parce que j'ai vu ça. Puis c'était une grande place. Il y avait des snacks, puis tout, tu sais, puis une coupe d'affaires. Ça avait l'air d'un marché correct, sans plus. Ça fait une couple d'années de ça que je connaissais ça. Puis j'étais allé en client, j'étais allé pour voir, tu sais. Puis il y avait un grand sous-sol, un énorme sous-sol, là, vraiment big, là. Mais tu sais, pas de fenêtre, il était sur le béton partout, c'était correct, là, tu sais. Mais pas de fenêtre, plafond quand même bas, fait que c'est ça. Mais le sous-sol était vraiment impressionnant, tu sais. Puis au début, quand on cherchait des locaux pour notre magasin, on est allé voir la Geekitude, tu sais, puis on a dit... Auriez-vous une section dans votre grand rez-de-chaussée? Là, nous, on pourrait se mettre un petit comptoir avec un commis pour vendre des jeux. Là, un petit coin à Rétro-Montréal. Là, puis il était pas pire ouvert à ça. Puis avec le sol, on se dit on pourrait se faire des conventions en bas là, de vente de jeux, puis des événements, puis des tournois. Puis de c'était une belle idée quand même. Ils n'étaient pas fermés, mais finalement, ils ont été fermés à l'idée. Ils n'ont pas voulu. Ce qui est une bonne chose. De tous les refus, tu sais, d'idées que j'ai eu de rencontrer le Hurley's ou un des Irish Pubs au centre-ville, le café, l'Atomic Café dans Schlager ou la Geekitude, tout le monde qui nous ont dit non, finalement, c'était une bonne chose parce qu'on a fait des affaires autrement puis ça a été plus gros au final, tu sais. Fait que quand je me fais dire non maintenant, je suis pas si en main. Je me dis, ah, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est Dieu. Dieu, il dit non. Fait que c'est ça. Donc, la Geekitude. Puis là, fast forward à là, je me dis, Chris, le local de la Geekitude, au grand complet, c'est intéressant, ça. Ça existe encore, ce commerce-là. Fait que je suis allé faire un tour en vélo l'été passé, puis c'était alloué. Le local était alloué. Fait que j'appelle, on y va, on le visite, tout. Puis finalement, c'était décalissé là-dedans. Là. C'était vraiment scrap. Mais il y a beaucoup de réparations aussi, puis il n'y a pas de stationnement, puis c'était pas si grand, puis on n'aurait pas pu mettre tous nos employés au sous-sol, là, tu sais, le monde se serait gonné, là, tu sais, ça... C'était pas une vie, là, tu sais, ça aurait pas fonctionné, c'est pas ce qu'on cherchait. Mais je voulais juste le mentionner parce que la vie, des fois, te fait que tu vois des affaires qui reviennent souvent, puis je sais pas, la geekitude, ça revient dans ma vie, fait que c'est ça. Mais ils ont déménagé, hein, ça existe encore, je pense qu'ils sont sur Saint-Laurent, là, présentement. Je checkerai ça, si vous voulez. Donc voilà, la geekitude. Et puis, on a visité aussi une pharmacie. Un local de médecins sur Ontario, en bas ici, carrément vis-à-vis le magasin, mais en bas à peu près. Là. Et puis, c'est drôle parce que c'est là que j'avais ma médecin de famille, Dr. Lee. Puis, elle a pris sa retraite et tous les médecins ont pris leur retraite dans ce local-là. Fait que, voilà, le local est vide. Et puis, ça, c'était un choix qui nous tentait beaucoup. Ça aurait été beaucoup de travaux. Il aurait fallu abattre des murs et tout ça, mais... Le prix était correct, le sous-sol était immense, tu sais, parce qu'il prenait aussi celui de la pharmacie à côté, on l'aurait eu avec. Fait que c'était intéressant, tu sais. Mais là, la promenade Ontario, tu sais, beaucoup de monde qui marche, mais c'est tout le temps tous des clients, ça, ou c'est du monde qui vont rentrer, qui vont niaiser, qui vont faire perdre notre temps. Fait qu'on va être obligé d'engager plus de staff sur le plancher pour surveiller tout ce monde-là. Pendant ce temps-là, notre staff n'aura pas le temps de faire le shipping, tu sais. Faut penser à ces affaires-là, tu sais. Sa promenade Saint-Hubert, je le vois plus comme des clients. Sa promenade Ontario, il y a toutes sortes de monde. Là, fait que j'ai comme l'impression qu'on aurait eu du temps. Excusez, j'ai regardé mon logiciel ici. Je pense que ça aurait peut-être été plus compliqué un peu. Là, puis j'ai quand même peur du grabuge. On a vécu beaucoup de grabuge à notre magasin ici. Vraiment, quand même. Là, on est rendu habitué, hein? Mais on a mis de l'argent, disons, dans des portes pétées puis des affaires du genre. Fait que moi, je veux mieux être un peu en retrait. De toute façon, on est un commerce de destination. Et puis, le monde y vient, de toute façon. Fait qu'on n'a pas tant besoin d'être dans une artère commerciale. En plus, ça coûte plus cher à cause de ça. Puis, il faut que tu payes plus aussi à l'arrondissement. Bref, c'est... Mais c'était intéressant. Il y avait un autre local aussi, non loin d'ici, qu'on avait loué. Tout était... immense, au rez-de-chaussée, vide, c'était comme une affaire désaffectée, très industrielle, c'était quand même nice, mais il était plus cher. Fait qu'on checkait ça, tu sais. Mais là, en checkant ça, en même temps, on peut pas prendre arrangement avec une future place si on réussit pas à se libérer de notre présente place, tu sais, ici, au QG. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit au proprio, faudrait qu'on se voit. Puis là, je descends en bas, puis je le rencontre, puis... Puis j'ai pas eu le temps de commencer à parler que Guylaine, c'est la propriétaire, vraiment en suite. Là, Dominique, faut qu'on te parle, là. En tout cas, là, t'sais, il va se passer des affaires ici, là. Puis notre entreprise, on est en pourparlers et puis c'est en train de se faire, ça va se faire. On se fait racheter par une autre entreprise. Fait qu'il va falloir qu'on s'en aille et puis tout ça. Puis ça va se faire là. Ça va se faire en juin prochain, tu sais. Fait que les autres s'en vont, fait qu'il faut qu'ils louent en bas. Puis là, je dis, ah ben, ça tombe bien, nous autres, je venais te voir pour te dire qu'on est en train de chercher des locaux parce qu'on doit réfléchir au futur, puis le futur, c'est dans un an et demi, et puis faut qu'on agrandisse et tout, fait que voilà. Fait que c'est mon Dieu, mais on va prendre le rez-de-chaussée, tu sais, c'est beau ça, c'est pas merveilleux, on est déjà en haut, puis en bas... C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je vais faire un live bientôt, la semaine prochaine, peut-être, là, sur la page de... Je vais tout le temps faire des lives sur la page de Retro Montréal, en passant, Facebook. Mais je vais montrer le dedans un peu. Tu sais, je vais y aller, je vais teaser le monde. Mais c'est gigantesque. C'est très, très grand. C'est aussi grand que les autres locaux qu'on visitait, là, tu sais, et plus. Fait que c'est ça. Et puis, les avantages... Les désavantages d'ici... Le stationnement, je pense que c'est un petit peu plus difficile. On est proche de P9, fait que ça brasse un peu plus. Mais les proprios disent qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ça anyway. Je les crois. Tu peux te parquer une heure en avant, tu sais, comme on a en avant du magasin présentement. Là, les auditeurs de l'extérieur ou qui viennent, qui demandent « Y a-tu un stationnement? » C'est que, non, il n'y a pas de stationnement. Alors, ici, à Montréal, les gens n'ont pas de stationnement. Tu sais, on n'est pas... C'est pas le 10-30, c'est impossible. Puis, s'il y a un commerce qui a un stationnement, il l'a depuis longtemps, puis il loue cher pour. Fait que, tu sais, au propriétaire, tu sais, des fois, il y a une église pas loin ici, on pourrait le louer à l'église, on peut dire aux gens de parquer là, mais ça nous coûterait combien. ici à Montréal, un stationnement vaut plus cher qu'une maison en banlieue, là, tu sais. Pas des jokes, là. Un terrain de stationnement, ça coûte cher. Fait que... on n'a pas de stationnement. C'est comme ça. Mais tu peux te parquer devant, aux alentours, whatever. Et on est vraiment proche du métro P9. Vraiment, on est plus proche du métro P9 ici que notre autre magasin qui est proche du métro Joliette, tu sais. Fait que ça, c'est pas pire, mais on est une station de métro plus à l'est. Mais on est, je vous dis, si vous êtes allé à notre magasin, on est vraiment pas loin, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est les très petits désavantages. Non, les avantages. On est déjà en haut. On n'a pas besoin de déménager le haut. Puis ici, là, il y en a des racks, là, puis de la camelotte, là, tu sais, comme ça donne le vertige de voir tout ce qu'il y a ici. Déménager ça, en plus de notre magasin, tu sais, c'était gros. Fait que ça, on n'aurait pas ça à faire. En bas, ils nous laissent les meubles. Tous les meubles. Eux autres, tu sais, ils font du commerce au détail. Fait qu'ils ont des racks sur roulettes, style Vidéotron, justement, où est-ce qu'ils mettaient leur DVD de Jésus, là, puis une CD de musique de Dieu, puis tout ça. Des tablettes partout, du slatoir, toutes des télés accrochées sur les murs. Ils laissent tout ça. Les ordinateurs, les caisses, les calculatrices, les power bars, toutes les couronnes de décoratives de Noël dans le temps des fêtes qu'on met dehors. Ils laissent tout ça. Fait que ça représente, c'est énorme ça là. On n'a pas besoin de meubler en bas. Là. On a déjà des meubles à notre magasin qu'on va emmener. On va réutiliser le meilleur de leurs meubles. On va clairer le reste. Fait que ça, on sauve des coûts là. T'sais. Fait que c'est très intéressant. Fait que bref, je veux dire, c'était la meilleure option. C'était l'option qu'on souhaitait intérieurement d'ailleurs, qu'on pogne tout cet immeuble-là un jour. Puis ça s'est concrétisé comme par magie. Les propriétaires, le parfait timing, tu sais. Fait que ça, c'est merveilleux. Donc là, présentement, on a accès, on a loué, ça nous appartient, les propriétaires sont partis. Et puis, on a tout l'immeuble, mais on a notre magasin aussi. Fait que là, on s'est acheté du temps, donc on va quitter le magasin en même temps qu'on va ouvrir ici. Fait qu'il va y avoir une semaine qu'on va être fermé, on prédit environ une semaine, où est-ce qu'on va amener tous les jeux puis le mobilier. Ici, tout va être prêt pour la fin de l'été. Puis on devrait avoir une semaine où est-ce qu'on va prendre tous les jeux, tout le mobilier, toutes les affaires de notre magasin, qu'on l'amène ici puis qu'on set-up. Fait que tout à remettre les jeux aux bonnes places en ordre alphabétique, les ci, les ça, on a des grosses armoires à visser, puis il va falloir s'organiser, les caisses, s'assurer que tout marche puis tout ça. Fait que ça va être un branle-bas de combat. Fait que les ventes en ligne vont continuer, mais nous, on va être fermés. Fait que ça, c'est des pertes aussi, hein, faut penser à ça. Fait que voilà. Donc, en loin aux deux places comme ça, on se donne quand même un buffer de quelques mois pour préparer le rez-de-chaussée ici. Puis moi, c'est ça que je fais depuis... Ah ben, je vais finir avec l'immeuble lui-même parce que là on louait. Il y a eu une saga, tu sais, de ça aussi. On s'est entendu avec leur courtier, tu sais. En fait, eux, ils font affaire avec un courtier ici depuis toujours, tu sais. Fait que je trouvais ça weird d'avoir un courtier pour la location, mais bon... Quand on a loué juste le QG ici, on a dealé avec le courtier, le prix c'était 5, merci, bonjour. Là, on allait rencontrer le courtier pour louer toute la bâtisse, t'sais. Fait que là, on va le rencontrer, tous nous autres, les actionnaires, avec Martine, directrice. Puis là, il nous annonce un prix. Là, on a vraiment fait le saut, là. On s'attendait à un bon prix ici, parce qu'il nous faisait un bon prix pour le deuxième étage, déjà, t'sais. Fait que là, le courtier, il a comme mis ça haut, là, tu sais. Je suis comme, man, on s'attendait pas à ça, là, tu sais. On n'est pas millionnaires, nous autres non plus, là, tu sais. Fait que, bon, ça nous a crissement refroidi. Fait que là, tout de suite, dans notre tête, bon, ben, ça marchera pas, c'ti. Ça marchera pas. On était tellement heureux, les propriétaires étaient heureux, tout le monde était heureux. Le courtier nous jack un prix. Là, c'est comme, calice, man. Non, tu sais. On s'en va, puis on parle un peu, tu sais, puis là, ils nous proposaient, vous pouvez l'acheter aussi, parce que les proprios veulent vendre. Ben, ils veulent pas tant vendre, c'est le courtier qui essaye qu'eux autres vendent, tu sais, l'immeuble. Fait que l'immeuble est à vendre, d'ailleurs, présentement. Fait que bref, on voulait pas l'acheter parce que, tu sais, comme on va l'essayer avant, là, d'un coup que le monde vienne pas, d'un coup que c'est trop gros, d'un coup que, tu sais. Puis c'était trop gros de l'acheter, puis tout ça, bref, tu sais, on le voyait pas, là, tu sais. Fait qu'on va le louer, mais on s'en entendait pas. Fait qu'on est parti, la tête entre les deux jambes, et puis on était bien déçus de ça, tu sais. Puis, à chaque fois que j'ai voulu régler quelque chose ici, j'ai surtout passé directement avec les propriétaires qui sont en bas de toute façon. Fait que je descends les marches, puis je vais voir Guylaine, puis on règle les affaires. Entre nous autres, j'ai dit, Guylaine, le prix, tu sais, ça nous a refroidi en maudit, là, tu sais. Fait que, mais j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas eu besoin de faire ça. que le soir même, le courtier m'appelle et dit « Dominique, tel prix, tu sais. » Je suis comme « Ah, là, on parle plus, tu sais. » Mais avec ci, avec ça, je suis comme « Ah, ok, ok. » Fait qu'on retourne voir le courtier chez lui, dans sa business Remax, et puis voici les termes. Tu signes un bail, tu signes une promesse de location, chose qu'on a faite. Parfait, ça va être ça. Finalement, il avait augmenté des petites affaires. Ah, ok. Et puis là, après ça, on reçoit le bail, et puis on regarde, et si ça convient, on le signe. T'sais. Puis là, on reçoit le bail, c'est comme une brique, là, t'sais. Des tonnes de pages, super difficiles à consulter, t'sais. Totalement avocat, là, t'sais. Puis c'est normal, puis c'est correct. Mais là, c'est comme, mon Dieu, mais c'est violent, là, t'sais. On n'arrive pas à décortiquer pratiquement tout. Fait qu'il a fallu qu'on s'engage, une avocate, un bureau d'avocat avec qui on fait affaire, d'ailleurs, on l'adore. Puis elle nous a vraiment aidé avec ça. Là, elle a dit ça, non, ça, oui, ça. Si vous voulez vous battre là-dessus, c'était vous autres, vous verrez, ça, non, da. Puis là, il s'est mis à avoir un back and forth de notre avocate avec leur avocate, de correction, ajustement. Là, on était comme dans un enfer, tu sais. C'était comme n'importe quoi, puis ça traînait. Fait que là, on est allé voir en bas, c'est Guylaine. Tu sais, Guylaine, même, elle montait en haut, dit, je suis désolé. Notre avocate perd la tête, mettre ça super compliqué, on veut que ça soit simple, tu sais. Puis, fait qu'il y avait des termes quand même importants qui nous impliquaient beaucoup, nous les propriétaires, que, tu sais, si ça chie, je veux pas être dans la rue, là, tu sais. Fait que bref, on s'est entendu, puis après des semaines et des semaines et des semaines, on a réussi à signer le bail, tu sais. Mais ça a pas été simple, ça a vraiment pas été simple, puis c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute des proprios, c'est vraiment comme... leur avocate qui est parti loin, tandis qu'eux autres en bas, ils veulent pas, ils savent bien, là. On n'est pas millionnaire, eux autres veulent juste que si jamais on ferme, tu sais, qu'ils soient backés un peu, pis tout ça, pis c'est normal, pis c'est correct, pis c'est la vie, puis c'est comme ça que ça fonctionne en passant, fait que les cautions personnelles sur des grandes choses, c'est ça les risques qu'on prend en affaires, c'est de faire des moves qui nous cautionnent, tu sais. Fait que si jamais ça marche pas ici, ça se peut que je sois obligé de vendre mon Stadium Events. Ouais, c'est ce que je vendrai en dernier. Mais bref, après toute cette saga de bail, on a finalement signé le bail, tu sais. Puis là, après avoir signé le bail, eux autres, ils ont mis l'immeuble à vendre parce que maintenant, on a signé un bail, on prend l'immeuble au complet, puis on a fait enregistrer notre bail, fait qu'il y a personne qui peut nous déloger d'ici. De nouveaux propriétaires ou whatever, on est ici pour y rester pour les 5 prochaines années avec une option pour 10. Et puis, that's it, tu sais. Fait que là, maintenant, ils peuvent le mettre en vente. Et puis là, quand ils l'ont mis en vente, il y a des gens qui ont communiqué avec nous pour nous dire, une institution financière qui a communiqué avec nous pour nous dire, vous savez, je regardais ça, là. Vous louez ça, ce prix-là, non. Dans les 5 chiffres, t'sais. À ce prix-là, vous êtes capable d'acheter. Là. Quoi? T'sais? Ben oui, puis on peut vous aider, pas besoin de mise de fonds. T'sais. Parce que la mise de fonds sur un immeuble à 1,4 million, t'sais, c'est beaucoup d'argent, puis on l'a pas parce qu'il faut qu'on achète des cassettes. T'sais. On ne peut pas passer tout le cash d'entreprise pour acheter l'immeuble. Mais si on n'a pas besoin de mettre une mise de fonds, puis il y a des façons de faire, t'sais. On va essayer ça, c'est intéressant. Parce que, mon Dieu, mais on pourrait l'acheter d'abord. C'est merveilleux, ça. En tant qu'à payer ce prix-là, on va le payer pour nous, puis ça va être à nous. Mais, fait que ça, on est reparti. On est reparti avec ça. Fait des calculs, Martine a fait des calculs back and forth avec l'institution financière, les proprios, les ci, les ça. Puis, tu sais, on n'a pas été financé autant qu'on aurait voulu dans ce move-là, mais on était vraiment pas loin, puis on aurait pu l'acheter, mais tu sais, on aurait eu pas juste la corde... Mon Dieu, je suis postillon, excusez-moi. Pas juste la corde au cou, là, tu sais, la corde au cou, mais qui commence à tirer vers le haut, là, tu sais, c'était très stressant, là, tu sais. Fait que là, vu qu'on déménage, tu sais, si on n'avait pas déménagé, mettons si on avait été ici depuis 5 ans, puis tu sais, on n'avait pas eu besoin de déménager, de faire de move, whatever, oui, probablement. Mais là, de déménager, ça coûte cher, hein, ça, en passant, là, ce déménagement-là, c'est dans les 6 chiffres. Ça, c'est un autre cautionnement personnel, de genre, faut que ça marche, tout ça, là, sinon ça va aller très mal. Mais on est confiant, on est confiant. Fait que, s'il faut qu'on investisse dans les 6 chiffres pour déménager, puis après, en plus, il faut qu'on achète l'immeuble, tu sais, la bouchée était vraiment trop grosse. Puis en plus, on n'a pas vécu ici encore, fait qu'on sait pas comment ça va aller, tu sais. Fait que si ça va pas bien, ben vous direz, on n'est jamais perdant à posséder de l'immobilier. Et je suis le premier à le dire ça, puis je suis bien d'accord. Mais faut voir la réalité. Présentement, les taux d'intérêt sont dégueulasses. Dégueulasses, là, d'ailleurs. Fait que pas juste pour acheter, je veux dire, pour tout emprunt, personnellement, les marges de crédit, les cartes de crédit, c'est atroce comment ça coûte cher présentement. Pas un bien bon temps pour acheter, là, tu sais. Mais fait, le prix va baisser. Mais là, quand le taux d'intérêt va baisser, le prix va monter. Fait que là, moi, c'est quand même plus intéressant d'acheter avec un taux d'intérêt plus élevé puis un capital plus bas. Parce que quand le taux d'intérêt, il descend, le capital, il remonte pas. Là. L'entente est faite pour ce prix-là, tu sais. Fait qu'on, c'est gagnant. Mais c'est ça, c'est une très grosse bouchée. Puis ça l'aurait mis peut-être la compagnie en péril, là, tu sais, comme... au niveau de l'argent, là, tu sais. Fait que c'était trop gros. Là, je vous parle de tout ça parce qu'il y a une grosse pancarte à vendre dehors, direct sa bâtisse, qui fait comme la hauteur du deuxième étage au complet. Il niaise pas le courtier, une grosse crise de pancarte. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Mais on va voir. Si tout va bien, puis c'est encore à vendre, on pourrait faire un move. Tu sais, c'est une autre entreprise, tu sais, l'immeuble, c'est pas... Retro Montréal qui l'achète, pas vraiment. C'est une autre entreprise et Retro Montréal loue à cette entreprise-là. Fait que c'est ça. On est toujours winner à posséder l'immobilier, surtout si notre commerce est dedans. Mais c'est des gros sous, là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que on verra. Mais pendant des semaines et des mois, le bail, l'achat de l'immeuble, le calcul de tout ça, back and forth, les avocats, les courtiers, ta. Ça a été beaucoup, beaucoup de beaucoup d'espace mental, tu sais. Puis beaucoup de ah oui, ah non, ah good, ah fuck, ça marchera pas, tu sais. Fait que ça a pris beaucoup de temps. Puis pendant ce temps-là, il se passait rien de concret, tu sais. Mais c'est beaucoup de temps qu'il a fallu qu'on fasse. Puis wow, Dieu merci que Martine était là aussi pour nous aider avec tous les calculs. Tu sais, à la fin, c'était limpide, là. Comme, les gars, voici les chiffres. Voici les projections, voici où est-ce qu'on en est, puis voici où est-ce qu'on va en être si on l'achète. Et puis, si on l'achète et que les ventes sont ça, ben c'est ça que ça donne. Donc, on fait faillite. Et puis, il faut que les ventes soient ça pour que ça... Parce que, ça parle! Oh, ça nous aide beaucoup. Elle met des chiffres d'en face. T'sais, nous autres, on a tout le temps été cow-boys. Là. Ben oui, on loue ça, on achète ça. Quoi, une collection à 50 000, si on n'a pas d'argent, on l'achète. Quoi? Un magasin de location de jeux qui veut nous vendre pour 60 000 piastres de jeux. T'sais, on achète ça, on verra bien. Puis là, l'immeuble, comme on aurait pu, on l'achète. Mais là, OK, on l'achète pas. Mais d'un autre côté, on n'a jamais fait de mauvais, on n'a jamais eu de mauvaise décision. Mais on y reviendra. Mais la finalité de ça, c'est que c'est le courtier qui veut que les propriétaires vendent. Puis je vois pas pourquoi ils voudraient vendre les propriétaires. Eux autres, ils ont vendu leur business. Ils s'en vont travailler dans la business qu'ils ont acheté. Ils vont devenir des employés. Fait qu'ils n'ont plus rien à gérer. Tout est payé, eux autres. Ils sont relax. Nous autres, on leur loue ça. On est super. On s'adore, tu sais. On a une super belle relation avec eux autres. On leur fait pas de trouble, on change nos lumières, nos toilettes nous-mêmes, tu sais. Et puis, fait que je vois pas pourquoi ils voudraient pas de nos beaux revenus par mois, tu sais. Qu'ils gardent leur immeuble, ils vont continuer de prendre la valeur. Pendant ce temps-là, on leur donne du cash, tu sais. Me semble, qui voudrait cracher là-dessus? On leur, tu sais, c'est pas comme si l'immeuble, s'il leur causait un grand stress, là. On s'occupe de tout, tu sais. En tout cas. Fait que ça a été la saga. Fait qu'un coup que tout ça a été réglé, c'était là, on s'est mis au travail. Et puis moi, c'est ça que je fais. Ben, tout le monde fait ça. Tout le monde contribue sur tous les aspects de tout ça, tu sais. Mais moi, je voulais, mettons, au niveau du look et du brand de l'entreprise, je voulais amener ça à un autre niveau, tu sais. Fait que là, moi, je travaille là-dessus depuis un bon bout de temps aussi. Ça, c'est mon quotidien. C'est pas juste quand je m'assois ici à mon bureau que je fais quelque chose. C'est à maison, de quoi ça va avoir de l'air, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. J'ai des flashs, tu sais, j'ai des idées. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, cette entreprise-ci, ce qu'on fait là, tu sais, moi, je veux que ça soit énorme, tu sais. Je veux que ça fasse un boom. je veux que ça... Tu sais, puis ici, on n'aura pas juste des jeux. T'sais, on va avoir de la place finalement pour avoir beaucoup plus de stock. Mais on veut que ça reste jeu. T'sais. On veut qu'on reste hyper spécialisé jeu. T'sais. On s'est dit, on rentre-tu une machine à slush, des affaires, tu sais, mais au lieu de rentrer des gogos et de faire n'importe quoi, c'est comme, qui qu'on est, nous autres, tu sais. Nous autres, Retro Montréal, on est, tu sais, nous, on va vendre des fill components pour Wii, tu sais. On va vendre des protecteurs pour des boîtes, on va vendre des foams pour mettre dans les boîtes en carton de NES, tu sais, dans les boîtes NES, il y a un foam dans le fond, que la cassette a la cote dedans. Nous, on vend ces affaires-là, t'sais. C'est ce que nous sommes. Parce qu'à la base, on est des collectionneurs de jeux, on aime les affaires propres et on aime les affaires piquées, spécialisées. C'est pour ça qu'on veut des photos sur notre site web et qu'on continue d'investir beaucoup de cash pour des humains qui prennent en charge cet aspect-là, de mettre des vraies photos sur notre site web. C'est de l'argent, ça. C'est beaucoup d'argent et de temps. Mais on pense que ça nous différencie et puis ça nous met en valeur. Parce que moi-même, présentement, je veux finir mon full set Super NES. Puis toutes les hosties de boutiques que je regarde, ils n'ont jamais les vraies photos. Puis ça me fait chier parce que moi, je veux des jeux propres. Fait que voilà, au moins ici, chez Retro Montréal, t'as le jeu propre. Tu sais ce que t'as, tu sais ce que t'achètes, tu sais. Fait que bref, faut pas changer ça. Faut pas partir en fou avec la merch et puis les cochonneries non plus. Puis qu'il y ait, tu sais, des affaires partout. Puis qu'est-ce qui sont les jeux à travers ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que par rapport au brand aussi, moi j'incorpore des nouvelles affaires. Je vais changer une petite chose dans le avec le logo. Colin. Excusez, hein, je regarde mon logiciel ici, OBS qui me dit des affaires, qui est en overload. J'espère que ça va peut-être me pixeliser. L'image sera peut-être pas belle. Désolé. Mais c'est la vie. Fait que j'ajuste. Le branding de l'entreprise, parce que moi je veux le penser gros, tu sais. Moi je pense franchise, je pense comment est-ce qu'on va. Je pense. Moi je pense, tu sais, comme quand je vais être à la retraite, je veux vendre ça, tu sais. Je veux qu'on vende ça, puis qu'on ait des franchises, puis que ça soit gros, ou que fucking Toys R Us nous achète, ou whatever, je m'en fous. Mais je veux que ça soit gros, puis je vais être capable d'ouvrir des magasins, que ça soit reconnaissable, tu sais. Donc, ça prend un brand fort et puis on va tout présenter ça aussi au cours de l'été, les ajouts qu'on fait, le look de tout ça. Puis, c'est drôle, hein, parce que moi, je suis designer graphique de profession, de formation et de profession. J'ai fait un bac en graphisme à l'UQAM, au Collège de Sherbrooke, et puis un DEC en graphisme à l'UQAM, un DEC en graphisme au Collège de Sherbrooke, puis un bac en design graphique à l'UQAM. Et puis j'ai gradué en 2003, ça c'est 6 ans, 3 ans puis 3 ans. Et puis j'ai gradué en 2003, puis j'ai commencé à travailler dans le domaine à partir de ce moment-là, tu sais. Mais j'avais pas le talent, tu sais, il y a des finissants à l'UQAM que genre les grosses agences Sidley, anciennement Diesel, Cossette, tu sais, comme ils viennent chercher les talents là, direct à l'école. Moi j'étais pas là-dedans. J'avais pas ce talent-là. Mais j'avais de la drive. J'avais des affaires correctes, là, tu sais, mais j'étais pas le meilleur ou le plus celui qui avait les concepts les plus hot, puis tout ça, puis tu sais. Mais j'ai de bonnes idées. Ben, au final, toutes ces années plus tard, je fais encore du design graphique, puis très peu de gens de mon groupe, parce que t'es avec le même groupe pendant 3 ans, je regarde tout le monde, tu sais. Il y en a genre un cinquième qui font ça aujourd'hui, tu sais. Tout le monde font autre chose. Mais je suis fier de ça. Et puis, j'ai fait ça pendant tout le temps. J'ai arrêté d'en faire. Je suis tombé à pige vers 2008, en même temps que la naissance de mon premier garçon. Ouais. Et puis, grâce à la pige, grâce au travail à la pige, j'ai eu la flexibilité pour travailler sur mes projets de jeux vidéo, tu sais. Si j'avais été un employé tout ce temps-là, il n'y aurait rien de tout ça qui aurait existé, tu sais. Fait que ça, c'est un peu une bénédiction. De toute façon, j'ai tout le temps voulu être mon propre boss, là, tu sais. J'ai eu des excellents boss, puis j'ai vraiment eu des boss de marde. Fait que c'est ça, tu sais. Mais quand t'as un bon boss visionnaire qui te laisse du lustre, qui te laisse t'essayer, tu sais, puis qui s'arrange pas pour que tu te pendes avec ta corde, tu sais, il y a des excellents patrons. Et puis, il y en a, là, qui instaurent des régimes, tu sais, puis ça casse. J'ai vécu le meilleur, puis j'ai vécu le pire. Mais en étant mon propre boss, puis en ayant la flexibilité, ça m'a permis d'avoir des enfants et avoir une famille. et en même temps de faire des petits projets, puis en même temps que je faisais tout. Fait que j'étais très fatigué, de là mes cernes, parce que depuis 2008, je fais bien des affaires en même temps. Puis c'est ça, fait que j'ai quand même fait du design tout ce temps-là, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'en fais encore pour mes entreprises maintenant. Puis si je vous parle de tout ça, c'est parce que à l'époque, il y avait les prix Graphica. Graphica est un magazine de design ici, design graphique. Il y avait un petit peu de design d'objets aussi là-dedans, de l'emballage, puis tout ça, bref. Puis un de nos rêves de tout étudiant, c'était de gagner un prix Graphica, tu sais. Puis, les places où c'est que j'ai travaillé, on n'avait jamais assez de... Tu sais, c'est des grosses agences, là, je veux dire, c'est Sidley avec le compte d'Adidas qui gagne des affaires, tout ça. Mais il y a des petits indépendants aussi, bref. Puis c'est le rêve de tout designer de gagner un prix Graphica. Aujourd'hui, je sais même plus comment ça s'appelle. Je pense que ça a changé de nom, mais ça existe encore. Bref, je regarde plus de ça depuis longtemps. Mais je veux pas te dire que ce que je suis en train de faire, c'est malade, mais tu sais, je trouve ça bien. Tu sais, je trouve ça beau ce que je suis en train de faire. Et puis, le magasin au rez-de-chaussée, il va être habillé là, t'sais, partout, là, t'sais, comme immensément, les murs partout, les couleurs, les éléments qu'on invente, les affaires qu'on injecte, les enseignes extérieures, tout le brand que je suis en train de développer, je trouve ça nice, puis je trouve ça vendeur, puis je trouve qu'on peut, l'exporter dans des franchises puis d'autres magasins quand même aisément, t'sais. Fait que je suis assez fier de tout ça. Fait que je me demande, un coup que tout ça va être fait, t'sais, qu'on va ouvrir, je vais prendre des belles photos, là, t'sais. Je pense que je vais envoyer ça au prix Graphica, t'sais. Ça serait comme une réussite. Ça serait un plus sur mon lit de mort de réussir à gagner quelque chose que j'ai jamais réussi parce que j'avais pas... J'étais pas aux bonnes places, j'étais pas dans les bons projets, j'avais pas le talent, là, de toute façon. Fait que j'ai probablement pas le talent encore, mais on va peut-être m'essayer, t'sais. Qui sait? Si on n'essaye pas, on réussira pas. Mais j'ai hâte de vous présenter ça, là. C'est très beau, très coloré, mais très réfléchi aussi, puis c'est un tout, là, tu sais. Fait que ça s'en vient, c'est bien, bien, bien excitant. Là, je suis full de caféine, là. Vous avez vu comment que mon high, il a monté depuis le début du show. Fait que full caféine, je vais aller désigner le meuble de rachat du rez-de-chaussée. Je suis rendu là, en fait, parce que en bas, on réutilise bien des meubles. Il y avait une énorme table de couture où est-ce que justement ils coupaient les tissus pour fabriquer les toges et tout. Puis nous, on va réutiliser ce meuble-là, puis on va le wrapper, puis tout changer de comptoir pour faire un beau, beau, gros meuble de rachat. Et puis, on va avoir de la place, tu sais. Là, ceux qui sont venus en magasin vendre leurs affaires aux consoles, tu sais. On a notre petite télé en arrière, on met tout ça sur la vitre, sur le comptoir, tu sais, on est tout pogné. Ça va être fini, là, ça. La section rachat va avoir de la place, tu sais. On va être à l'aise. Là, le client va pouvoir s'asseoir. Tout va être pris en charge, les télés, les fils. Ah. Si vous savez comment est-ce que tout le monde est hype, là, présentement, chez Retro Montréal, autant les employés magasins que QG, comment est-ce que la simplification de notre quotidien va se faire en étant tous sous le même toit. On a juste à descendre en bas pour régler un bug ou à monter en haut. Ça va être fini le charroyage de jeu, les questions, les ici, tu sais, comme ça va être, tout va être facile, facile, facile. En magasin, ça va être facile, puis on va avoir tellement d'espace, on va être bien. Il y a du rangement ici, là, c'est fou comment est-ce qu'il y a du rangement. On a même trop de meubles. On va faire une vente de meubles, on va faire une vente de consoles d'effets, qu'on va... Tout ça s'en vient, là. C'est bien excitant. Fait que c'est ça que je fais. Alors là, je suis dans les derniers stretchs du design. J'ai presque fini. J'envoie tous mes documents chez mon gars de vinyle. Et puis lui, il va préparer tout le wrapping. Fait que prochaine étape, construction. Il y a un peu de démolition à faire, de refermer des murs propres. Pas beaucoup. Et puis après ça, mes peintres. Et puis après ça, mon vinyle. Et puis je me croise les doigts que tout ça soit terminé avant la construction. Puis après la construction, ben là, on va pouvoir commencer à réfléchir comme il faut. Qu'est-ce qu'on met? On sait qu'est-ce qu'on met où puis qu'est-ce qu'on fait, mais t'sais, en place, c'est pas pareil. On l'a pas mis encore en place. Il y a trop de meubles, il y a plus de place, c'est trop le bordel. Mais t'sais, on a un coin pour ci, un coin pour ça, puis tout est réfléchi. La caisse, elle va à une autre place. Puis là, il y a deux genres de caisses en bas, des meubles immenses. Il y en a un des deux qu'il faut qu'ils disparaissent. Fait que t'sais, un coup que tout ça va être mis en place, t'sais, On va mieux le sentir. On a une voûte aussi, je vous ai dit, c'est une ancienne caisse populaire ici, de jardin. Fait que, dites-vous qu'on a toute la caisse maintenant. On est une caisse, on est grosseur caisse de jardin. Il y a une voûte en plein centre, en bas, tout en béton, tu sais. Tu peux rien faire avec ça, tu peux pas te démolir ça. Mais on va faire de quoi de vraiment cool là-dedans. Vraiment, vraiment cool. Puis, j'ai des contacts externes qui vont m'aider avec ça. Fait que ça, avec, c'est une autre idée, tu sais. Puis, on a des idées en bas, là. Ça va vraiment être nice. Fait que ça, avec, j'ai bien hâte de vous le présenter. Mais ouais, il va falloir... Parce qu'on a fait affaire avec une designer aussi. J'ai trouvé une designer. Un de nos employés, en fait, nous a référé à une designer qui nous aide. Parce que la place est tellement grande. Nous autres, on se dit, OK, je sais pas, les consoles vont être là. La caisse, ça peut-tu rester là? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que là, on avait vraiment besoin d'aide d'une professionnelle pour voir comment est-ce que le client va circuler, qu'est-ce qui devrait être où, quelle couleur qu'on met où. Moi, j'ai tout envoyé mes ébauches, tu sais, les couleurs, les affaires. Fait qu'elle dit, OK, ça va être telle couleur, ça, c'est là. J'ai trouvé ces meubles-là, vous pourriez mettre ce meuble-là, tout. Puis grâce à elle, on travaille en synergie. Puis ça aide aussi que je sois designer. Fait comme ça, elle n'a pas besoin de gosser trop là-dedans. C'est moi qui produis tous les documents, tu sais. Fait que là, on marche ensemble, tu sais. Voici tes samples de couleurs. Ah, ouais. Ça, on va faire ça. À la fin, on nous arrive avec un projet global. Voici tout ce que ça aura de l'air et voici combien ça coûte. Fait que là, on enlève des affaires, on a juste des affaires. OK, ben, on va garder ce meuble-là finalement, on va le wrapper au lieu de le changer. T'as mis, dans la voûte, t'as mis tel budget, c'est beaucoup trop, on le fera pas ça, mais on va faire ça à la place, t'sais. Fait qu'on gosse là-dedans. Mais bref, il a fallu faire affaire avec une professionnelle parce que l'espace est trop grand. Puis, quel excellent move pour vrai, là. Elle nous a enlignés, elle a trouvé des affaires qu'on sait même pas que ça existe, t'sais, des matériaux qu'on va avoir en bas qui vont être vraiment ça à coche. Comment bien réutiliser ce qu'il y a. Fait que c'est ça. Je vous en parle. C'est ça. C'est ça ma vie depuis des mois. Fait que là, je suis stressé. Je suis tout le temps stressé. Faut que je me calme, que j'arrête de dire ça, comme dirait mon père. Mais là, on est dans la phase creuse où est-ce qu'il faut libérer toutes les cochonneries en bas qu'on n'utilisera pas pour faire de la place pour les gars de construction qui s'en viennent dans 2 semaines et demie environ. Fait que c'est là qu'on est rendu, on descend dans le sous-sol des affaires qu'on va remonter plus tard, tasse les meubles dans un coin qu'on sait qu'il n'y a pas de travaux à faire. Beaucoup de jobs de bras présentement, fait chaud. En même temps que tout le reste, la création du design et blablabla. Fait que voilà, c'est ça la vie, c'est ça qui se passe. Je vous en ai dit beaucoup. Ah, je suis hyper caféiné. Merci beaucoup au café Level Up. Allez sur levelup.coffee. Je vous rappelle qu'il y a un code promo. PAPA10, PAPA10. Utilisez ce code promo à la fin dans votre shopping cart pour avoir un 10% de rabais. Faites-le. Comme ça, la personne là-bas est capable de mieux comptabiliser les ventes. Les ventes faites grâce à Papa Cassette. Puis, s'il y en a assez, ben, coudon, on doit peut-être avoir plus de café. Puis, s'il n'y en a pas assez, ben, j'aurai plus de café. Mais ça va peut-être aider, en fait. Ça va aider. Je vais partager le code aussi sur ma page éventuellement. Fait que voilà, merci beaucoup à tous de l'écoute, très apprécié. Et puis, plus de détails à venir là-dessus, surveillez la page Facebook de Rétro Montréal. Je ne ferai pas des annonces à toutes les semaines, mais il y aura des choses qui vont se faire changer petit à petit. Alors, c'est bien excitant tout ça, je suis très excité. Puis il faut que ça marche. Tu sais, à travers toute l'excitation, il y a quand même le stress de genre... Chris, il va falloir que les ventes augmentent pour suivre tout ce régime-là qu'on est en train de faire parce que. Mais on est confiant que oui. Excusez. On est confiant que oui, mais il va falloir aussi que. Parce que vous savez, présentement, les ventes vont bien. On vise tout le temps une croissance par rapport à l'année d'avant, chose qu'on n'a jamais de difficulté à faire. Mais là, présentement, la croissance est faible comparée à l'année passée. Puis actuellement, elle a tout le temps été haute. Fait que pourtant, toutes nos stats vont bien, notre site web, on regarde tout ça. Tout est logique, il y a bien plus de monde qui nous connaissent, mais le monde y achète moins. C'est comme si le monde faisait du lèche-vitrine présentement, tu sais. Parce que le monde fait attention à leur argent à cause de l'économie. Puis je les comprends, moi-même, j'achète moins de jeux que j'en achetais avant. L'économie est dure, fait qu'on le sent vraiment. Fait que c'est un mauvais timing, tu sais, pour investir autant, pour faire un move, puis déménager, puis tout ça, alors que les gens dépensent peut-être moins. Mais quand tout ça va revenir à la normale, on pense que ça va être pas pire. On va être bien en selle avec notre nouvel espace pour tout ça. Fait que c'est bien excitant, mais tu sais, on est des entrepreneurs, fait qu'on garde en tête que tout ça peut chier, puis si ça chie, ça sera vraiment pas drôle. Mais c'est des risques, c'est la vie, c'est la game, le risque qu'on prend en faisant ce déménagement-là est un risque très grand, énormément plus grand que d'ouvrir le magasin là-bas. Aussi grand que l'arcade. L'arcade, ça aurait pu chier ben raide, ça aurait très mal été. Mais ça a bien été. Alors, je me fais confiance. Je pense que ça va bien aller et puis que tout ça devrait fonctionner. Puis on a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Pensez à votre lit de mort. Pensez toujours à votre lit de mort. Pensez à la mort. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous. Bye bye.